batterie. De batterie. C'est combien? Ah, 140. C'est bon ça là. Qu'est-ce que tu dis toi? Dans 1h20? Quand on va en m'en offrir un. Bon. Non, mais toi aussi, ça met du temps à charger, non? Les banques de son Z, là. Pas mal celle-là. Oh, celle-là aussi là. Je vais essayer de mettre la batterie. Quand les batteries seront d'accord. We'll be right back. Thank you.